voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Soso glosso sodo, elole. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels établissent établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Fornia Singbe, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Radio à vous l'été. Interview. Analysant. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci de votre fidélité sur Radio à vous l'été, Kokoulouté Delta, la voix de la résistance du peuple togolais. Et pour commenter et analyser la situation politique au Togo, nous accueillons en ligne depuis Lomé, Jérôme Soso, directeur du journal Le Tien des Enjeux. Bonsoir, Jérôme Soso, en ligne depuis Lomé. Bonsoir à Amos. Bonsoir aux auditrices et aux éditeurs de la radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, Jérôme, ce sont depuis plus de deux semaines le dialogue inter-togolais en suspension. Les mesures préalables ne sont toujours pas respectées dans sa globalité. Le retour à la constitution de 1992 pose alors un grand problème au pouvoir de Lomé. On apprend également que le facilitateur est annoncé pour la semaine prochaine à Lomé. Jérôme, ce sont que comprendre alors du rôle du médiateur. C'est vrai, merci d'avoir pour la question. C'est vrai que la discussion du dialogue, au niveau du dialogue, était suspendue déjà plus de deux semaines. Mais c'est vrai également que on annonçait l'arrivée du facilitateur la semaine prochaine. On me demande que comprendre de cette situation. S'il faut faire retour au début des discussions, enfin, lorsque les discussions avaient commencé, il faut se le rappeler. Le pouvoir en place n'a pas du tout voulu accepter les choses telles que l'opposition le souhaitait. Mais ce qui a fait que les discussions étaient beaucoup plus houleuses lors de la discussion était plus houleuse. Mais c'est vrai également que depuis ce temps-là, l'opposition se battait pour que les choses aillent dans les normes. Mais malheureusement, le pouvoir en place n'a pas du tout accepté. Cela a été dit, vous vous rappelez, si c'est que le pouvoir avait voulu régler les problèmes tels que le peuple togolais le voit tout simplement, on allait quand même libérer ou on allait quand même accomplir, comment peut-on, tous les préalables souhaités par l'opposition. C'est vrai, le pouvoir en place avait tenté hein, de le bluffer en libérant quelques détenus, mais n'a pas voulu quand même régler le problème à fond. Il reste encore nos amis du mouvement Bouké qui sont encore en prison. Et les trois villes de l'intérieur, c'est-à-dire Mango, Sokoré et puis Bafilo, sont toujours à l'état de siège. Et même la ville ou le village natal de M. Tipi à Tchadam connaît des difficultés. Vous savez, on a parlé de l'état de siège, on a parlé du bastonnage. De la bastonnant de ces populations là au niveau de Baratao. Donc tout ça là complique actuellement les discussions. On se rappelle également que le facilitateur entre-temps avait suspendu le dialogue parce que il se disait il disait qu'il avait d'autres programmes qu'il doit exécuter avant de continuer les discussions. Et tout compte fait, franchement, il faudrait que le pouvoir comprenne que avec 51 ans, qui n'a plus rien à prouver, qui n'a plus rien du tout à prouver, et que l'essentiel c'est de comprendre la situation, de résoudre les problèmes à fond et de libérer le plancher. Ce n'est pas sorcier de toute façon, à mon avis, en tant que journaliste, je crois comprendre que si le pouvoir veut régler les problèmes, il allait le régler. Si on se souvient qu'en 1992, on a voté la concession à plus de 98% et que cette concession a été tripatuée, a été tronquée en 2002. Cette même concession, je crois, en 2005, a été retroupatuée, c'est-à-dire lorsque Yadema était mort, on a fait de quelqu'un qui était ministre, président de l'Assemblée, président par intérim et puis président de la République en moins de 3 heures de temps. Avec tout ça là, je crois que ça ne donne pas quand même un bon visage pour le pays. Donc il faudrait que M. Fornasingbe et son entourage comprennent que le temps d'hier demain est déjà passé et que quoi qu'ils feront, on ne peut plus, le peuple togolais ne peut plus jamais accepter que M. Fornasingbe reste au pouvoir comme son papa l'a fait. Donc pour moi, heureusement que la facilitation va reprendre et la semaine prochaine, c'est-à-dire le dialogue va reprendre avec l'arrivée de M. Ado Nana Akufo, le président du Ghana. J'espère que M. Fonia Sibé et ses amis comprendront véritablement qu'il est nécessaire aujourd'hui de régler un problème à fond et qui ne sert à rien d'intimider la population, de vouloir les martyriser, de vouloir les mépriser, de vouloir museler des gens, ça ne sert à rien du tout. Que l'essentiel est qu'ils comprennent la situation, qu'il a déjà fait déjà 2 mandats et qu'il est dans son 3e qui va finir d'ici 2020. Et qu'il finisse ce mandat-là, libérer le plancher, que est sorti par la grande porte, je crois que ça lui fera beaucoup plus honneur. Et vivement, donc, que le dialogue européen ouvre le plus rapidement que possible, même si beaucoup de Togolais restent dubitatifs par rapport à ce 27e dialogue au Togo. Jérôme Sossou, le leader du PNP, Parti national panafricain, tu perds ta dame en quoi sur les centres d'interviews, était clé quant à l'aboutissement du dialogue en faveur des revendications légitimes du peuple togolais. C'est ce qui d'ailleurs l'a amené à appeler d'une manière cavalière le peuple togolais à manifester cette semaine. Décision qui n'a pas été unanime au sein de la coalition, qui attendait plutôt de nommer le facilitateur gagnant avant de relancer les manifestations. Jérôme Sessou, dans cette situation, peut-on parler de discorde à la coalition des 14? Moi, je ne vais pas parler en termes de discorde dans la coalition, parce que dans tout groupement, il arrive parfois des malentendus. Et cela, moi, je suppose que c'est un malentendu qu'il faut minimiser parce que l'essentiel est devant nous et où l'essentiel est devant le peuple togolais. Il faut voir que le pouvoir en place ne veut pas lâcher du tout le fauteuil présidentiel malgré tout ce qu'on fait. Et donc, tous ceux qui, aujourd'hui, au lieu de s'attaquer aux pilleurs, à ceux qui pillent les mêmes que ceux du pays, ceux à qui on a donné de l'argent pour construire la route, ils ne le font pas. Ceux qui ont bouffé l'argent du siège de la télévision nationale, ceux qui pillent comment peut-on les petites ressources du port autonome de Lomé, ceux qui bradent Togo Télécom, etc. Il faudrait qu'on fasse preuve quand même de discernement pour s'attaquer à ces gens-là, au lieu de vouloir s'attaquer à M. Tikuya Tchadam, parce que peut-être, bon, il ne croit pas en ce dialogue-là, parce que peut-être on a fait une déclaration qui à mon avis, ne peut pas quand même disloquer cette coalition-là. Ceux qui s'attaquent à M. Jean-Pierre Fabre, ceux qui s'attaquent à Tikuya Tchadam, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il voudrait faire. Et donc, pour moi, je voudrais plutôt souhaiter à ce que les 14 partis politiques là qui se regroupent dans cette coalition là tiennent bon, qui n'écoutent pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui n'écoutent pas tout ce qui se passe. Je suis d'accord qu'ils peuvent prêter attention à oreille aux critiques objectives. S'il y a des critiques objectives, qu'ils en prêtent, comment peut-on, attention pour en faire, pour améliorer quand même leur stratégie. Maintenant, ceux qui peut-être le font délibérément, les Vuvuzela, qui à tout prix veulent et quand même faire discolquer ce groupe-là, mais si vous prêtez le flanc, mais vous allez tomber dans leur piège. Donc pour moi, je ne trouve pas important, en tout cas, ce qui se passe. Moi, je n'ai rien trouvé. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, ça fait partie du passé. Et donc, pour moi, il faudra que la coalition tienne bon. Ceux qui font des critiques objectives, qu'ils en tiennent compte. Et ceux qui, voudraient à tout prix faire casser ce groupe-là, mais qui ne tombent pas dans leur piège. Cet appel aux militants du PNP, ça va faire quoi en réalité? Et ceux qui s'attaquent à M. Fabre, en réalité, ils veulent quoi? C'est-à-dire que des gens veulent à tout prix que le groupe-là se casse. Des gens veulent à tout prix que le groupe. Donc, on est en train de monter les deux leaders, c'est-à-dire M. Tchikouya-Tchadam à M. Fabre ou à M. Fabre contre M. Tchikouya-Tchadam. Donc, il faudrait que les membres de la coalition là fassent extrêmement attention et qu'ils prêtent oreille aux critiques objectives. Tout à fait, Jérôme Sosso, vous avez minimisé ce qui se passe au niveau de la coalition sectorielle. On ne va pas chercher à opposer Tchikouya dans la chambre des femmes ou autre. La coalition est soudée à jamais, ils le savent très bien. Et ses opposants, qu'une erreur sera fatale pour le combat et que le peuple déroulé veille au gré. Jérôme Sosso, la suspension du dialogue a trop duré et beaucoup de Togolais perdent confiance et patience. D'autres citoyens estiment que le facilitateur traîne le dialogue pour faire gagner du temps au pouvoir. Et pendant ce temps, le gouvernement togolais poursuit le processus électoral. Quel que faites-vous alors de la visite que l'équipe ghanéenne de la médiation a effectuée à la Cili? Oui, c'est normal que les Togolais et les Togolais soient inquiets. Parce que si on connaît véritablement ce qui nous dirige, c'est des gens qui aiment le dilatoire, la diversion. C'est des gens qui sont capables de tout. C'est des gens qui peuvent, en un rien du temps, changer le cours de tout. Et donc, si les Togolais sont inquiets aujourd'hui parce que le dialogue a été suspendu et que malheureusement, le médiateur a envoyé ses émissaires au niveau de la CENI, et jusqu'alors, ses émissaires-là n'ont pas encore donné des informations par rapport à ce qu'ils sont venus faire au niveau de la CENI. Ça peut inquiéter. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis inquiet. Et tout le monde, tout le Togolais concerné devait être inquiet par rapport à cela. Et donc, de toute façon, au cours du dialogue, ou les préalables du dialogue ont voulu que le pouvoir mette fin ou ce soit à ce processus aux préparations des élections, mais pourtant le pouvoir ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, et alors que ce pouvoir même a demandé à l'opposition d'arrêter ses marches, l'opposition l'a fait et jusque là le pouvoir lui ne veut pas arrêter le cours du processus, ce qui fait que on ne sait pas réellement ce que ce pouvoir est en train de préparer. Moi je l'ai dit tantôt quelque part que les cassés du pouvoir sont en train de récupérer des gens influents dans les cantons, dans les villes, pour à qui on envoie de l'argent sur des comptes pour les éventuelles préparations des élections prochaines. Et donc c'est très important. Et donc pour ce faire, il va falloir que en réalité le médiateur demande à tout prix à ce que le pouvoir mette fin au processus, aux préparations de ce processus électoral. Parce que quoi, afin, lorsque le dialogue va finir et lorsque le dialogue va donner de belles conclusions, il faudrait qu'on revienne, à mon avis, à la case départ pour reprendre tout le processus. Ça ferait double dépense. Et alors qu'on dit que le Togo n'a pas d'argent, si le Togo n'a pas d'argent, il faudrait que le parti au pouvoir arrête le processus. Et lorsque le dialogue va finir, lorsque le dialogue va définir tout, qu'on reprenne le processus à zéro, ça ferait une simple dépense. Et donc pour moi, si les Togolais sont inquiets, bon, c'est de bonne guerre, parce qu'on ne doit pas être dupe. On ne doit pas toujours continuer de nous tromper. On ne doit pas continuer toujours de nous considérer comme des bêtes. Et donc, si le médiateur a envoyé des gens au niveau de la CENI, et jusqu'alors on ne connaît pas les informations que ces médiateurs ou ces émissaires ont recueillies au niveau de cette CENI-là, alors que la CENI continue de travailler. Vous vous rappelez qu'on a nommé les présidents des CELI, et on ne sait pas sur quelle base, sur quels critères, et on ne sait pas le pouvoir, quel pouvoir ils ont pour encore continuer de préparer ces élections-là. Donc, c'est de bonne guerre qu'on soit inquiet. Donc, pour moi, il faudrait que le médiateur soit ferme et demande au parti au pouvoir d'arrêter de continuer et la préparation du processus électoral. Eh bien, Jérôme Soussou, parlons maintenant du fonds social. Au quotidien, des activités se résument à des grèves tempestives qui ne fassent pas, malheureusement, partager le pouvoir. Alors, les mouvements sociaux sont-ils aussi impositifs au Togo, Jérôme Soussou? Oui, le fonds social a une ébullition depuis pratiquement 5 ans. Les revendications-là ne datent pas d'aujourd'hui. Que ça soit au niveau de la fonction publique, que ça soit au niveau des enseignants, qu'au niveau des médecins, ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a des revendications qui datent depuis 2013, nous sommes en 2018, ça fait déjà 5 ans de cela. Mais est-ce que le pouvoir, ceux qui gouvernent le pays, sont capables aujourd'hui de régler ces problèmes-là? Est-ce qu'ils sont capables de régler le problème? Est-ce que véritablement ils ont la volonté de régler ces problèmes? S'ils ont la volonté de régler ces problèmes-là, ils ne devaient pas quand même les déplacer. Sinon, chaque fois, on crée des commissions, on crée des comités, on crée ça. Mais le problème est intact. Le problème n'est jamais touché du doigt. Et donc, le Fonds social ne devait qu'être en ébullition. Ça, c'est normal. Et aujourd'hui, depuis surtout cette année, les choses s'accentuent. Et malheureusement, le Fonds n'y a jamais fait comme si rien n'était. Ailleurs, les problèmes sont là. Les chefs d'État appellent ceux qui sont en grève, ceux qui contestent, ceux qui demandent. On discute avec, on négocie avec eux. On trouve des approches de solutions. Par contre, au Togo, M. Fognasbe, bon, c'est fait du peuple togolais un mépris total. Il fait comme si rien du tout n'était. Et il s'en fiche pas mal, il se promène, il s'en va, il revient, comme bon, tout ce qui se passe dans le pays ne l'intéresse pas. Et tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. C'est rien que son fauteuil présidentiel. Mais bon, de toute façon, les enseignants n'ont pas fait les 6 mois qu'ils devaient faire normalement, et ce sont nos enfants, et ce sont les parents d'élèves qui perdent. Franchement, les médecins aujourd'hui réclament quoi? Les matériels de travail. Mais malheureusement, jusqu'alors, rien ne se fait, rien ne se voit venir de l'horizon. C'est comme si il n'existe pas. C'est comme tout ce qu'ils font là n'intéresse personne. Au contraire, il y a le pouvoir les intimide, on les arrête, on les jette en prison, on fait tout ce qu'on veut, comme franchement, le pays est mal gouverné ces derniers temps. Le pays est très mal gouverné. Mais bon, on ne voudrait pas qu'on le dise, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le dire. C'est notre métier. On doit le faire comme advienne que pourra. Et de toute façon, le Fonds social ne baisse pas les bras. Et maintenant, il y a la société civile qui n'est pas du tout d'accord avec tout ce qui se passe. La société civile, entre-temps, est rentrée en jeu. La société civile revient encore en force les semaines prochaines. Bon, de toute façon, on ne sait pas ce que véritablement M. Fournier-Segré et ces hommes qui l'entourent veulent pour ce pays. On ne sait pas quel pays veulent-ils réellement laisser pour la progéniture. De toute façon, nous, on est là, on est en train de regarder. Mais bon, si les Togolais veulent se laisser faire, ça va se passer comme ça. Si les Togolais ne veulent pas se laisser faire, des gens ont réclamé ailleurs, ils ont eu ce qu'ils ont voulu avoir. Et donc, aujourd'hui, c'est important que ce que les gens demandent, qu'on leur donne. Si on leur donne, le problème ne se posera plus. Si on refuse de leur donner, je crois que, bon, il y aura toujours ces mouvements-là. Et voilà ce qui m'étonne au niveau de l'éducation. Les 6 mois que les élèves, enfin, depuis la rentrée le 2 octobre, les élèves n'ont pas fait 2 mois de cours systématiques. Mais malheureusement, j'ai fait des tours dans des écoles privées la dernière fois. Qu'est-ce qui se passait? Il y a les inspections qui envoient les épreuves des examens, c'est-à-dire des compositions de fin de trimestre, c'est-à-dire du deuxième trimestre. Et avec ces compositions-là, ils vont faire des rapports à l'UNESCO comme quoi le Togo marche bien ou comme l'éducation marche bien au Togo et comme quoi, bon, les élèves ont été à l'école, la preuve, ils ont fait des compositions. Moi, j'ai fait des tours dans des écoles privées. J'ai eu des informations par rapport à ça. Et ces inspections-là prennent 10 000 francs à ces écoles primaires pour leur envoyer, comment appelle-t-on, ces épreuves-là pour les compositions. L'école officielle ne va pas à l'école. L'école privée travaille. Mais maintenant, on envoie l'école officielle ne travaille pas. Les inspecteurs envoient des épreuves aux écoles privées pour des compositions de fin de trimestre et avec ces épreuves-là, ces compositions-là, ils feront des rapports pour l'UNESCO en disant que le Togo en matière d'éducation marche bien, la preuve, le Togo a fait des compositions. C'est la mauvaise foi, tout simplement. Eh bien, j'ai reçu rapidement une dernière question pour vous libérer. Depuis plusieurs années, les manifestations de groupe n'avaient pas dégagé fort d'assumer du pouvoir. Et depuis le 19 août 2017, le peuple togolais s'exprime à travers la rue, sans pour autant ébranler véritablement le pouvoir de Fort Nassimé. Alors, que peut-on espérer des manifestations que la coalition compte relancer dans les prochains jours si ce dialogue ne s'inscrit pas véritablement dans ce que veut le peuple togolais, Jérôme Sassou? Oui, ça fait vraiment plusieurs années que le peuple togolais se bat pour l'alternance et qu'il n'arrive pas à avoir pour le moment. Mais de toute façon, l'alternance est inévitable. Quoi qu'on dise, l'alternance est inévitable. Je le répète pour la troisième fois, l'alternance est inévitable. Ça, il faut avoir confiance que d'un jour à l'autre, M. Fournier-Segré quittera le pouvoir. Même si son intention est d'y rester jusqu'à la fin de sa vie, avec la géopolitique actuelle, ce n'est plus du tout évident. Donc, quoi qu'il dira, forcément, d'un jour à l'autre, le Togo aussi va réaliser l'alternance comme cela a été fait dans les autres pays. C'est vrai. Si les Togolais depuis plusieurs années manifestent et qu'ils n'arrivent pas à réaliser cette alternance là, mais c'est simple, la solution n'est pas très très loin. La solution émane de la mauvaise foi, de la volonté de ceux qui gouvernent le pouvoir de le confisquer, de ne pas vouloir le lâcher une seule seconde, et avec, comment appelle-t-on, la bénédiction d'une armée clanique qui, au lieu de rester républicaine, voulait servir une seule personne. Ça, c'est clair. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 mots pour l'exprimer. Si, aujourd'hui, depuis le 19 août jusqu'à maintenant, ça veut dire 7 mois, jour pour jour, que le peuple est redescendu, les véhémences avec vigueur dans les rues pour réclamer d'abord le retour, d'abord la réforme, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et locales, puis après le retour à la constitution de 92, excusez-moi, et que jusqu'à ce jour, M. Fornia semble tenir bien, mais c'est parce qu'il est soutenu par une armée qui menace, intimide, qui influence, qui arrête, qui bastonne, qui fait tout ce qu'elle veut. Et tout ce que, impunément d'ailleurs, ouais, qui tire sur, à barrière sur les pauvres populations à main nue, qui manifestent dans les rues à main nue. Et donc, si véritablement le peuple togolais n'allait pas arracher cet antenne jusqu'à maintenant, c'est simple parce que d'abord, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas le lâcher. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas quitter. Ils manifestent leur mauvaise foi. Et par après, ils sont soutenus par une armée clanique fabriquée à l'image du général Yadema. C'est simple. Et donc, bon, de toute façon, moi, je félicite ceux qui optent pour la tenace pacifique. Puisque moi également, je suis un partisan de la non-violence. Je n'aime pas la violence. Et donc, tous ceux qui optent pour une alternance pacifique, je les félicite, je les applaudis. Et donc, maintenant, si M. Fornasque pense que avec le soutien de l'armée, il ne quittera jamais le pouvoir, il se trompe. Il y a la loi divine, il y a la loi de la nature. Mais dites-moi, je ne le souhaite pas. Tout homme est mortel. Si même aujourd'hui M. Fornasque ne veut pas quitter le pouvoir, et si demain Dieu l'appelle, est-ce qu'il va encore refuser de quitter le pouvoir? Est-ce que demain, si Dieu l'appelle, est-ce que l'armée va tourner ses fusils contre Dieu? Donc pour moi, il y aura forcément l'alternance d'une manière ou d'une autre, d'un jour à l'autre. Et donc, je ne suis pas inquiet, je suis tranquille dans ma peau. Donc, je ne me dérange pas du tout. Je ne me dérange pas du tout. Et je souhaite que cette alternance-là, comme beaucoup de Togolais le souhaitent, qu'elle arrive pacifiquement, que tout ce qui, même si M. Fornasque n'est pas rappelé par Dieu, et que si un jour, il a fini par, quitter le pouvoir, qu'il reste dans son pays en tant que ancien chef d'État. Moi, c'est mon souhait. Donc, l'armée ne peut pas confisquer, ne peut pas faire tout ce qu'elle voudra pour garder éternellement M. Fornasque au pouvoir. Parce que il y a aussi la volonté de Dieu qu'il ne faut pas perdre de vue. Le jour où Dieu va décider de rappeler le chef de l'État, qu'est-ce que l'armée fera? L'armée ne fera rien. Et nous aussi, nous ne ferons rien. Nous allons croiser les bras pour regarder. Enfin, nous serons surpris parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, pour ce faire, il faudrait que M. Fornasque comprenne qu'il ne peut pas faire comme son papa au pouvoir. Et donc, si aujourd'hui, il semble être soutenu par l'armée ou s'il semble avoir confiance à cette armée-là, que bon, ce qu'il fait, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qu'il sache qu'un jour, d'un jour à l'autre, Dieu peut le rappeler. Et donc, si Dieu le rappelle, il va faire quoi? Donc pour moi, l'alternance viendra togo d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de souci à se faire, mais je crois que la lutte continuera. Il y a le fonds social qui est en évolution, il y a la société civile qui ne donne pas et qui ne veut pas laisser faire. Il y a le peuple togolais même qui est fatigué parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus à manger, plus rien ne marche dans le pays, les commerçants et commerçantes ne vendent plus rien du tout, le le pays dort. Le pays dort. Celui de sortir à 18h, n'allez trouver personne dans la rue parce que des gens n'ont pas d'argent pour faire leur vie. C'est dégueulasse. Donc, il faudrait que M. Fonesque comprenne qu'il a déjà fait 3 mandats et que cela lui suffit. Ça le fait honneur d'ailleurs qu'il cherchait à partir par la grande porte que de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas quand même honorable. Merci beaucoup, Jérôme Jussou. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Afrique, Kokoul Dedinka, la voix de la raison des peuples togolais, que vous étiez journaliste et directeur du journal Le Client des Enjeux. Merci et bonsoir. Soso glosso sodo. Éloé. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Fornia Simbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les Mars pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Station d'essence, restaurant et café, bar et hôtel, établissement scolaire, pharmacie, clinique, magasin et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottées. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Fornia Simbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Ce sera dans la rubrique Enjoy avec Tanti Massa, qui va nous accompagner à l'Union depuis les États-Unis. Radio à vous l'été, pour l'été Tenka. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Soso glosso sodo. Éloé. Soso glosso sodo. Ayons le vino, miaoué, son va traduire à vous l'été dit. Mais c'est bien cause en lié à les français gbemé. Et djidia, mia trouva mia de gbemé, ne mia kochi nomé. Mais quoi c'est bien, mi les mia bolé traduire à vous l'été dit, kokou le tétenta, avant l'été. Avant l'été, voir, popo si a tchan, elle doit noter. Yé ou proposition le brobi, et la boîte tu as dit, kosira ke mi ya djia. Yé ame ke le sou nyamena, togobe nou maye maye ko le djoa eleni karame président. Ebe aola, yé sogbe la, ne ya donu, ne nebi proposition ame. Et la boîte tu as dit, proposition la wegbe, ola we soa, yé go togobe gire le blon. Fwa nou ke ek bava kosira ya me konibe, nou ke o koalisyon dogbe djou, be ya wak bololo, yé nya fete fete wale di, koalisyon ya gma ema, nou ke le djoma. Et nous avons les réseaux sont dit que nous Mima, agbole, quoi, t'as fait, vous que nous avons deux miagblons. Nous avons sorti, nous avons tout, nous avons des nigbandois, j'ai pour miagblons. Et nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, give what belongs to Caesar what belongs to the people, for the voice of the people is the voice of Jah Almighty High, Rastly combination, Jah the Medicisaire, vibration, firebone them, gonna be at her. Si on doit donner à Oscar ce qui appartient à César, il n'y a plus de vérité. Le temps est arrivé qu'on donne à César ce qui est à César, et au peuple ce qui appartient au peuple, in the name of Jah. Yes, I. Fire, fire, fire, fire. Tu quasi nous aile. Tu quasi nous aile. Tu n'est pas un banc familial. Mimelona, vovonant en haut. Yahweh. Mimelona, vovonant en haut. Yahweh. Mimelona, vovonant en haut. Yahweh. Mimelona, vovonant en haut. Yahweh. Le gobi mégabon. Jidoudoule. Miti tenemia ron. Togo vi gamesu, jidudule, miti tene mia hoduya. Togo vi megabon, jidudule, miti tene mia hodidudwa. Togo vi gamesu, jidudule, tukwa le blombe esu nene. Togo vi megabon, jidudule, miti tene mia hodidudwa. Togo vi gamesu, jidudule, miti tene mia hoduya. Togo vi megabon, jidudule, miti tene mia ho jidudwa. Togo vi gamesu, jidudule, dukwa le blombe yesu nene. Teresa, yeah man, I'm ready to get him there. Dukwa si nusele, dukwa si nusele. Tantilili, masani nevi, oni a menkuta gan de ka, le asoso gan, ke le diaspora mo danko libe kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise. Asoso mwa dibe abo Togo vyo gede ke le he goudo amea. Me dak be nobe, o le kabe koudomi, le amele kadiba ni madine ama Togo be, enou maye maye kolo jolo Togo, le konsile yame alo ke yek bale abadjo, ala fou ke le temi bro nagasa kamea. Lonto foro Tantilili. Oh, monsieur Sylvain Amos a pe, ma toye ame, mchan fonyo ede ma akba toye ame a la, do bene radio avule tebe toji non lo, mwosebe a monsieur ame fonyo ede, emi le mokpo kwa mebe la nyon. Eyo tantili li masan yine vi, kembo kwe miyaso yi miyabe ase kankan odi, so Togo be manyo manyo yame a. Mble zane abe, onyame kunta gare ka le kodi Togo, koalisyon de la diaspora togolaise, ke ye haso sou wadi bia bo Togo vi gede. Yin keke nova jia, alo kosinova kosina nova jia, e mi bon, le Dakar ba ni maji, ni mi mamba gu kame soukbo wane, nou ke joka ka Dakar mi ve bole o, Togo vyo la Amerika, le France ba ni manyo la fiyo pata pata, nou ke jo mi chan Dakar o, e ye mi chi veli ale o maso ye jina mi a do ke kwa ni Togo di biya o, tanchili li masan yinevi. Ah oh, merci Sylvain, akpe non kaka, be o nan moun kopo ya bene maten sodi, inwa, miyabe kodi Togoa, diaspora be organizasyon ya miyade gome, e jojinam. Enwa enyi bede, kodi Togoa, e kemile yobe enyi diaspora be pou popone miya popo hoke ke wwa, enu nwede be nila domiyaji, ye bede domiyaji chanvo, do enabe amon le sobubuna mi zereka zereka, do nemi borodu. E ya o bronek besi ya gwebe winyo fe la fos. Ne mi boro du, ye mi kpele wonde ya do du po a. Ye mi le desusu do du po mba nyame le kakwele desusu alo le kyo a. E nwa e yinak bwe. Donka, mi subo, ne ye ma yi go e gbeke mi sole ya. Diaspora e kwa kodi Togo a, mi la do hasi be. We a denini ke ye o le, mi abe kodi Togo a. Me ye no yi kodi Togo po e orgi di a, o la kpo a, e haso so opata, yo la kpo a le ke mi le odoro a. Nou kenti ye kodi Togo, le vele wo ebe bobo ale Dakar do Ao, nemine mia o ne pepe le Amerika fi alo Europe mea. Eh nya visa. Vwa mia se gomebena diaspora antoa, bobo toa, e la Afrika chantolo, e le dubuo me bang bang bang, akbe tok togo vi ke chive ti bene, ke le Ghana, ke le Nigeria, ke le Senegal, ke le eduo me pata pata Gabon, eduo me osubo, Vana memo maten ho visa la vovo, mi le yobe, mi le o koalisyon le diaspora, e mi la no yobo bo akbe si akbe le Paris, alo la yu e le Washington ha, e wasi bebe mi le deuro vonene. Yemi de kukune mi atoko le fiyobe, ame kola ten pedia, one va, bobo akudo mi le, e Dakar, yebe inyweli, do Dakar be, sosyete sivil le fuma, e romye, atu, do ole se mi aniko, vide video mu nyanyan toke, mi ve deme na wea, be yonu kele joro togo toji, abe yon, mi do la borodo, mi lak pedo mi anti, ye nyaya mi ya mi la vwe, be mi abe nko yi le togoa, e la nyon, la Afrika pata, West Africa patabe nkoyi yentia e do emi ve ole Dakar muni dovi benyu vo amova mi wonu nkume konami ye gbe ami potole yu ami si ami be ne wa vani mwimbo wa vo mi adogo mi anono le halfway na me de chado vo asi ale ngresen ya na me de pepe le jipa mi aborodu ni mi aboro mi abe juanti do mi adumevio societe civile diaspora bakudo coalition 14 wo pata et du milao non ye milao la boro du late de miabe du yale funya funya yame yentia enuke ye le vevere matin blono so kodi togo ntia wa akbeno sivin togo vio no bo togo tonu bo mia bonu mia no ju mia janyo ju doa susu wan tikwe koalisyon aledo e mi mia gbobe mia doa kbe manyan bon gade nami lo don wata doa mfao nye itogo be manyo manyo ya jie enuwa kwe henga kanya chami ve boe. Ke ogba se konsida ya mea. E maso maso lo gbajo le koalisyon ame. Ye miya kwa tabi nkule jalo gaji. E la nandia. Manandia wa. Jalo gaji do alote. Vame li sebe. E gbaja to tuwe ni konsida ke gbagbana. Nene ye ame jibe aso nyame. Ke le ni kaname prezidant. E gbaglo yewa. Vwa gbololo le gbololo ji. E va vame be. Akwe to tikwi ya chadama. Eh bien, ah oh, n'était les deux jino, t'as le grand jeu, les vents, c'est bien, t'as le grand là. Eh bien, ah oh, m'y doit alors, boy, et nous, on va, et nous, on va, massé, va, nous, premier forum, on va, chocli, aux gens, bientôt fier, aux gens, bientôt fier, et n'y a d'autres, on va, zoom, et n'y a fait, mille wars. Les gars, pour y'a, m'y a dit, t'as dit, à mes gars, on va, cogner, les qui m'y a dit, m'y va, froid d'eau. À peine, oh, Sylvain, et n'y a pas, les fêtes. Pele ke milade mi aba fwa doma. Milade. Si ale nkpe gbren no. Le debu a de toto ji abede. Nde kpe ke ma wu a nyon. Nde kpe nyon ne. Mi akuno vyo mile. Ne. Ole da fwe ji. Ye mu de ha ikpo wa. O ma nyan le ke yo la. Handle lo. Alo alo la le do. Ne no vyo kpe da. O da fwa no vyo ji a. Me de ha da fwa no vyo ji a. Ne mi de ha ya. A me alabe yo. Fiko tona mi ya ondo la tuena ma mi ya chana fiko tona ya ondo la tuena mu. Bwa, mila hade nume ne mi anono. Ne mi duwe be yu anyi novi. Ye ndele vevene be yu awado duwa. Mila agbole kwa, mila seme, mila agbole. Mekemu ona jere. Mekemu dona nyakudo novio. Makando jine togo vio benade. E nuwa pata mungi inde kpekpe yo. E nyade kpe mule jo. Be, mesye tikpi, achadam levon. Be dialogue a manyon. Yentia, ye be le kwe be. E la nyon be na mi atro jemo diya. E chan be nyanyon. Togo vide kwe mi akwata mi le dan lon. Mi mnyan ke be la nyon. Vwa gake a de. O dona lo na me be na de. Ne, amede le ja vase nou kudo wa. Vase aba mede ngbe no. O le se gome ya. Na mou bo, o yomi. Be mi avase. Be mi akpora be le ke mi akwa. Mi maten ngbe o de. Mi la se la do towe. Surtout be, ameko o mi kpanko wa. E tu kudo ga le wasi, unse wa le wasi. Mi le jemwa jia, o la pomi, o la umi. O ma umi voyolo, mi la poto la jemwa ji. Vwa, ame pato wa. Ne alomu la si oyo wa, o mo la dapa. Ne etumu la lomene on rada papa moni se kudo be amon, oh, non non de awale pa no ya pola yo ame be ni va oni na mi ava ao kebe puduva ni la doto ela se nou ke mi le blan mi le blan na fi ke le fiomi le togwa ye be klone mia ke wa e mi la no e mi soyi vone imbe a fi ke le fiomi a ye o ma kufunu na mi wa e pe la ba de funa mi e ni la be ao be ke wa mi agbaji mi atoto afibu ti pi be nyajo Ame ko chon be yoma o ma shehade wa, wacha wa be nyajo. Nya kpata miya, togo vyo kpata miya be nyajo. Do nou ke ntye nya, e nou ke mi dogo anwa yin nou vonvon. Mi la von wo kwe. Vwa mi maten wo nou ya, ame de ka maten we. Kan flan, ame se tipi, maten we de ka. Me se Jean-Pierre Fab, maten we de ka. Ne yo, ame de la ten we de ka. So kaka, ke mi tonu ya di 25 ka ya. Mi don ku jikris be gamelo. Mi sou na gbo vli vli vli vli vli. Kake amin ten dwa wa wanjyo. E nou ko le na, ye min te le dwe di yo, a ye ni mama. Mama, ye na min dwa waya di va yo. E nou owa, e mi abe kento we se do na mi ame. A tutu no vi o do da wakbo. A zu no vi o be ya me le ho beble. A me de kpentom ten la, me de be jimi akbe toa, moun ya zinyo la klen la kbo ele me kbori. Vone, mi mte le do minimum de konfians do mi anono di yo. Ye, besi akbe ya. Milano, danyado da miyano no, ame ya do epete melo, ame ya hogalo, ame ya olekea, miya pata miyone. E nou wa mouni nou nwe de kpento mi le wo. Mi do la kbenyane miya do kwe, mi le si. Miya me ko le nou ame ho wa miya kbenyane miya do kwe, be mi le si. Ame ko va le dwe miya miya twe no, be nou wa ke miyona san, mouni nou nwe de kpenyi mi wo. Yenti ya, egble nou le miyanti, miya no vi konje miya yo miya, omba weke yo. Yenti ne nyare vade. Ne ko nya, e yo la glon. Abiyo nyasi, miyado to, asi ame kole nkole duwa me, obe nya, tutu bongwe miyado me. Nene wa soke nyayava nyiswa, mi maton nupo opovo, beleke leke leke ya, okpo mpo nupo ha. Nye mpo nupo la fide yode, mbo nube makboda, le wuto, masi ame ato, masi ame ato, mayu ame ya masi. Nye miya nyanya kebe, nyane miya gbenya. Vwande ka, ya makandwe jina waya ye kwenye benade. Hey, mouni Jean-Pierre Faba jirinyo lo. Mouni tikpi ba jirinyo. Mouni jimbilita jama bobe nyenyo. Togo vyo be yo sokbe. E koalisyon leo. Koalisyon mou leo. Yo le ja fini e bakudo fo nyasin be. Be avuya yo ba avuyin yo la wela jagoni. E waya nyagande be nyi. Ye po e nyam le glona mesi ame be nyan waya nyagande be nyi. Be mi a togo vyo mi sokbe be. Ame rek pe magbaten va note be. Ne mi npo ye len ko a mi magbaten zon. Ne mi npo ye len be a mi magbaten zon. Mi la zon. Ma un tola di ame ke la non kwa nami. No no boro dwa mi akwata mi la we. Ne mi mboro dwa ye mi be mi la no we leke ya. To go de dwa ya. E si te le te nou. Be avuya la vo. Ye be la vo chan le ma un se okwata toa. Be yi komi. Sylvain. E nyon tanchi liri ma san nye nevi. Mi dwa kbe non loko kou nwa me nami dwa. Le apo nou me de desande ya. Mi ma swa gona kwe to chipi a chadama lo a swa gona kwe to Jean-Pierre Fabro. Dwa me si ambe susu de ka de ka la o vek wala o tonk wala o no ju. Kekbe no juwa, ona no tuya godo. Ako ito ni kodem khabi akbe nisobe, yo mja mao la. Yo ase no gome vire kwe la. Kekbe no la ekbe no lo di la. Vwa mi gba le sebe, nene ame be aso nyame kele ni facilitateur gana me prezidant. To govyo mle do di yo la. Le kebe ya wedo ma. Keke, mi gba le sebe kosira kebe mi ya je vifia. Nene be dialog ale poposi ya la gba to tuwe dike. Kekbe no loa. Akpa ke di biya no kongo, mi ami le diaspora mi leke mi ya wedo, tanji li li. Ao, Sylvain, akpe non la. Bololo la yik bololo ji. Ke mbe ame de ocho mle do jido dialog anti. O maten do jido dialog anti yo. Mwen yi tipi le kam le do jido dialog anti yo. Togo vile kpenton ba le do jido dialog anti yo. Obe, wivwa mandren wwa, 27e ma, ye mi le woya. Ame la ten do jido nene be nunti yo. Gake a leke o la so wo. Mia we ya jo la lo gbalo amo we la pedo mi antiare mi o mu e mi ado to wa de nya ya gbo we ne va glomia ne mi de tale mi voa nu ke nye nya mu nya vi ke mu nya la pe susu mi ye mi acha mi ba zon le ke o ji mi le ni so le do susu mi ni e le ke facilitateur o we ni be o ne pedo fo nya sin gbe nti ne ba poti agban ne ba jo ne ba poti agban ne ba jo la zipe aji mu e be ba jo le droit mi o alo ale be la pe we do po fi e be la pe no be la vo ne po mi a togo vio yo mi gbole be mi o tumu le mi asio o ma no po mi kaka pede vo pa ni mi va site pa mi va so tu o te mi va so tu a mi va to me popo ari ge mi ya la va vo na mi o ha o Mieux mon Yahweh ni. Bene to ba to honorablement. Voane gloire a beto zereka po bekuna. Zereka po ye bekuna. Donc ané gana be et noa médiateur va aller pour nous pour ami ami d'ado to lasse. Mi do la boue do se sur région améa. Wawele neva gloire wawele gatova. La va pe do mianti. Ye ken gbe mi la tin fo ijo. Do de pepe ya fofon jole na ga me pe. Egbe fi a Sarkozy ke yi président. Les France et nous on est dosi va y avoir et ben y a qui est ben on les dogue on les sauve les biens y a c'est les gars pas mais ben là bas trois nègres gagnent la popo vive ben on le fout nous tiens et nous que ben y donc à messieurs mener la quoi benade à mener kamaten bouffio soi yore il est mes filles nous tiens on vit les va y a nos vieux tiens la va y y en tiens les fonds y a c'est bené c'est ouin y a bas gagnent le son nègre ben ne bas buta mais ne bas didi agba les togo vieux dit ne y a bobo que mille oya ming bah ouais c'est noah. Et n'y a fête fête aya, ao. A me repen ba o, n'y a fête fête o la. Mi a to, le diaspora, me mi a min le, min la, ou e chan de. Mi a ya gapo, mi le honon le odon, le soro da ba mone, du nou, mi le honon le zon, le inige, ne, iniver me kwe to. E n'y a de mou le ode. A me ko le fun wawa, o n'y a le kwe, mi a wabo mwen la de me non, mi a le demokrasi me le duko me mi le a, la te no be de. Nene alola demene dume vio ko le gombe e ewa sigbe a nyale do wa me awode mi la tonobe nene ko be nyewe e a mole na ko la mene wa no l'assemblée me le fie hein mi abe America fi a tukada gbogbodo na nyiwa ne pe ogbon ka gbon vopo baba no na due ogbon ka gbon vopo no na du ne ne ye démocratie be nyaye ne wa sino amere pe ngba du jene akone ba vio. Mais nous, il y a dialogue, là, c'est pour négocier le départ de Fonia Simbi. Et il va partir par là. Et s'il ne veut pas partir, voilà, et problème là-bas va. Excusez-moi. Problème là-bas va, n'est parce que, ben, Togo vio ma ballon. Pour l'instant, les n'y toi, mais, ben, fifi aya, choco choco. Et Togo vide pepe, mon balé, ou lui, ti ado, leader d'intio. N'y a Togo vio, et si tebe, et nous, y a mille avo. Amélien, bah, c'est ben, yenti, yenne, yé, bidia. Yenti, abe avo, la totio. Mi a toto govio mi mba bidjo. Na mede bidia, ne jo ibe nanyi ame bulava. Vankan lo jiba mede chama bidjo, habi a gwenye be yoma kankon. Se katoza e le gligan, e le tenu. Gligan, mule ja kankon. Mi yomi le ponu pokuwa mesi ame le mekbe siakbe. Ke ye nyarekbe mule jowa. O le nyede, o se nwa gome. O le konsi ane problem ke le mea. E jodo mi a jisan magba jolo. Togo to magba jo, mi magba kankon. Diaspora maintenant à dire que les gens soient amers les vendent mi les gars non doux société civile la borde doux mi a pas terminé pe et mi a des coalitions à le loi mais y a mi la djegbe les sous régions a pas terminé y a les mi la au caca et au la coco de cagé à jolé à zipé à dire ne tombe mazon la joie ne bebo a koya no a quoi ne pevi a ma joji ne bebo a son penga ne ba son penga do jojo jibeli a peno et y'a tant chili ne coalition a ma gbanwa. Et la soumia du me vieux bo. Que moi j'en y soit. Oh, mien be, a voulé tebe, téléphone me ka. Ong non nami blag, blag, blag, blag, blag. N'y m'tele do don tio. A mons n'kele joma. N'kele joma. Kwe sebe. Journaliste solo n'y a kakado, to bobo to chan, n'y a kwe du me vieux non bion n'y a mabe ya n'y a n'kele joa. A mrobe yo bak bojo. A mrobe yo m'ti dan wakan keo. Et comme n'y be togo vieux l'on abe ju. Donc, comme y a wavou. Y a mou le plombe ne koalition, ne mak bon wa. Ne magban wa la so tu me digbo. Mia o lak pedo wanchi, yi magban lo. Vane ke mama bion nyaya aso potana ekbe yu onana miyade. On to kwa jwame, doki tobe he. Chichobe he. A me siyame be dogbe gbe la. E chikona me siyame. Hein? Yen kena ye inwa mjolo vozele. Kona me siyame jolo tite me siyame. E voy vwa aw awade. Nkena nye pata me minti le titi ho ma. Jume di balon tuan kebe le wo. E nyake la shio. Aso putanek mi wana, so kuro le kero le jore, togo le nou maye maye ko le jwa tanchili li. Oui, nyao, se Otto et Sylvain. Ne koalisyon a magban wa, la so mi a dume vyo bo. E ye ke la na ye koalisyon a chan la nyambe na. Ne yo le a dume vyo nti yo le do. O le kwe da. Ye ne lider de kpekpe le koalisyon me la nyambe na re. Ne ye nye lider a, se paske ye le lider me do e. Ye ne kpekpe ko la wa. Ola no pongo dome la no poda bena. Leke ye, ye no vio la se roma. No pode kwekwe ke mi la poa. So atwe ji so nye nto jinye la. So nye li li jila. E vado gare mea nye ngba pona nupo. Do mblona be, enu ya ne mblona ya de. Mose gome nye de ya. nengbule ya de nu kebe la nao. Magbule nua. Yenti nya oto. Be, ne koalisyon ya la magban wa. E la somi ya dumevi yo bo. E dumevi ne kwepe ne leba de. E, e ne e nu de le didi unu al azon li ya de. Mbe didi unu. Mwibe le didi yo. E didi unu. Kebe didi unu wa. E ye na. Ye e adre. Kudo nu yola non nanyi kwe. Vwe la vwe. On ta obbule fie. Be e so e nu adok ito. Oje moji. Sukuru vi oje moji. E do to pata be yo anu a home bohun. Ebe gome yime na. E nu a agbe baranyo ukwe. Ne mi ajono e doa me chan mi agba kukwe. Vocha anu ke mi le jia mi makpo. Mi a honlo be yo a inu a kpo jikbe. Inu ke yo le jia yo a ye kpo gbe tete gbawe ne ba mi akwe. Comme ça, mi akou avec dignité. Obe vinkron zoom mouno met dans la dignité. E ye wen. Donc a togo vio e site. On ta obbron yon patavo. E nyare kwe mbalo. Koalisyon rem le jak bonlo. Nyanye de ka ke de fie ya. De vitu ki ya ke de fie ya. E avec humilité, nye le grinso le kodo kwen vio ya. Nou po de ka ke mfona ponane dada nyon. Kufofo nyon gwe si akbe ya. Wakbe keke wen. Mesye tipi a chada man ponan nou po kye. Jean-Pierre Fabre an ponan nou po kye. Mesye enua elonema. Mesye habi yon vafye yiswa. Mesye Natanaelo enua eleke anema. Metra pe von. Ne beke deke kebe jiye ape. E nou a e telefon akpe jenkpe ke ron tipa. Nou ke ma blona wa mwe blone. A mesi ame le konsyen la. Bede, e nyaya la vo. Omo le jak bon. E harekpe nya. Mi a we le chiji, mi a me gbeto wa. Ye mi do droa chan la chiji do. Mi a be nyado vovon ye la. A mesi ame be nou kebe le wade. Mi ma swa gone togo vide pekpe yo. Solma ade kpo mi la tro jemi. A jemi ava do to. A mesi ame ne bonu. Nou komu nyo kwa mba blon. Do omate nye chak pata vo. Abe hene le nou yade jia, aje a wu gan le moji. A moun ve biyona nyade pepe si, a moun to peso nan le waba ome kwa, a fon kwa so mou ya kwa ton po po po. Abe, e nou yade ntan nou ekbe kaka nou yake, nou yale ke wale ke deke deke, an o glon yon do moji a o. O te yon o vyo a glon ni. Be a o, yele, mi a togo vyo mi le lom, mi a be dube nyakbo, a yon o vyo a glon ni vwa. Ne mi le kanyon po le pwa mou hame hame ya. Mou glon ekbe si akbe la Sylvain, mou to nyan anami plusieurs fois. Bede, communion d'esprit, mi a non sousou de kaji, nye kwa mi matin sa lo dag mane kame be mi le dounou vwa. O la no glonya barabara, son ti nye mano se veve son ti yo vwa, mi a be mi le odoro duye, ma o la se mi a be kwe fondi. Ma ou be ne mi boro dou le sousou de kaji, a be le mi a be misele, mi a be dodome. Ne ne nye ale wen, yen ti a togo vyo ne nye bede, so e deji ade, e nou nye ade vana mi ekbe, be nou ya ke joya, a fiyo mi nou nye nye, a ban nan yi kwa so telefonu. Alo aso WhatsApp ya kwa je no vio di. Azu kakakakaka da je do si nou komu nyon. Keke keke. Onto nyanywe de be yemdo provu wambere kwekwa agbron. Mi a tote nou. Mi a tote nou o. Ne mi a be Dubai nko. A meke mi je nko enyi fo nyan singbe. Enyi fo nyan singbe. Ento nyame ko kuele wo nou o. Donka mi a mingba nyame ko kwa bodo inti. E ya ye le tane dwa. E ye kudo toa ye nwa zipe. A jiva ikaka se kantan 20. Yenti a dume vio site. A pe mo de fin ya. Eye kwe nyi be na, mi a le jidopo e. Mi a le jidopo. Mi la du jie. E, etu mi vo, etu mi vo. Mi le jilepo, mi a barwa la sensen. Mi a du jile ma unko me. Mi le jilepo, mi a barwa la sensen. Mi a du jile ma unko me. Eye kwe mi a gwne, mi a dem la sinyo. Ape mo de fin ayon. Ma ou ne yira togo vire pepe. Ape non le radio avoule te ji. Mi awe le odo. Apo telefon a edi soubo ni soa. Mounya. Mi le ji. On se yon patato la domi alo. Ape. E nyon tanjeli li mi do akpe manya. Gondi non mi la odon koube. E wenyi amen kou ta gan le ka. Le haso so ke yo mi danko le dibe kodi togo. Koalisyon de la diaspora togolaise. Et quoi dit Togo dit bien bon Togo vio pata que les diaspora bien Afrique mi leo Europe mi leo America mi leo ni pata mi do gbeju ni ni agbon de ka apiro lo avolete quoi pour le tenta radio avolete la voix de la résistance du peuple togolais non vino et ya ji mi adu lo tena egbebe wona wona ke mi antomi danko lo jibe e chwa begbe mi anye be kaka so kade me ya. Du quoi, trop, je suis grosso, j'en crois, à quoi, toi, fond, c'est beaucoup de bac à métier, mimi, à son tonneau, et y est tout trois son tonneau, non, vino, qui est, mi, wa, vouya, doa, à foin, et les yvo, mi magbele o. Koalisyon, be gwangwa be nya, be chukala be nya, mi gwle kakakaka, mi yo dati toke yin to mi la wona jume, mi me jume ya. E jidia, mi ya wela, bo mi ya na to podwa me de voa, mi ya gwle ke ya. E lu ke nyinu, mi ke nyinu wa dodo ya yo wana chuchuma, ke mwove kona poti yo bo, ou wala kpol chome, ke mwo la kpola kboji. E lu ele wami ya de, mi ya no ju, e ele wami, mi mi ya wa achire yo. Na achire va fide ya de, mu kam yo. Ni a jume viwa, a chile mwa un kamion. Ni a doa lo, koalisyon an, ke le solo do kwejibi, ina no pompo le djukwa min kome an. Ni a doa lo wo. Amerik bonen an, mi miya sok bonan mi lo. Doa miya wa radio a volete diya, djukwa mek bemi sena. Amolong lo nwadora mi besi ven, bonen roda, toji no to togo, togo vyo togo to wo lo. E, obo wo o doa ngenam, mi ma doa miya kwa talo, lo vino wo, etu alek man. Mi ma on ya deo, ke bo mi ya tete, mi ya tu mi me ju. A vous le te, koku le tete nta, o trobo kanami. Bye bye. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio A vous le te. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.